chache y ap fè kantans, pa sonje si te kon suveyans. Biro d'informasyon, pa jan manke tire atansyon. Yo piret pase asid, avot yo kop met infantisid. Rele yo poveje, si yo pa korije. Rele yo poveje, si yo pa korije. Sa li genye, pa men maman pa sa di ou anye. Sa mwek sanple yon danje, wa kwaze ap monte la sentaba. Yo kompwant son etaba, pou yal antre manje. Yo kompwant son etaba, pou yal antre manje. Blood up, blood. c'est métier, c'est métier même, ça ouais. Il y a 900 balles de passer de son académie. Maman Khalil, papa Khalil, c'est toujours de même. Chaque habitué manger ze, c'est ze pour manger. Sans pain pour le bail.